السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Concernant la menace sur celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux, que dire donc du fait de l'adorer? قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت في أرض الحبشة من الصور في معبد النصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا وعيد شديد. أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. Hier, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes entrés dans le chapitre numéro 19. Nous avons lu le hadith d'Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit qu'Umm Salama a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'elle a vu en terre d'Abyssinie, et que dans les églises il y avait des représentations et ou des statues, et on y représentait les personnes, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliquait que ces représentations sont les personnes pieuses. Lorsqu'ils décèdent, ils construisent un lieu de prière auprès de leur tombe et ils façonnent leur image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite le jugement: ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Donc le simple fait d'avoir pris les tombeaux de personnes pieuses en lieu de prière et d'adoration a donné lieu à ce jugement. Quel est le jugement? Ce sont eux les pires des créatures auprès d'Allah. Dans le second hadith, hadith Aisha radiallahu anha, elle nous cite la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la maladie qu'il a eue précédant sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a maudit les gens du livre du fait qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et ceci afin de mettre en garde sa communauté contre le fait de se comporter de la sorte. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه والبجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Jundub, où vous avez Jundub. C'est Jundub. Ibn Abdillah a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant 5, je suis innocent devant Allah d'avoir en dehors de lui un ami proche parmi vous. Car Allah m'a pris comme ami proche, comme Khalil, comme il l'avait fait pour Ibrahim. Et si j'avais pris dans ma communauté un ami proche, j'aurais pris Abu Bakr comme ami proche. Et certes, les peuples qui vous ont précédé prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière, car je vous l'interdis. إذن هذا الحديث هو عند مسلم والصحابي جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليال Jundub, radiallahu anhu, nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah. Vous avez le prophète, à chaque fois qu'il y a Rasoul, vous traduisez par messager. À chaque fois qu'il y a Nabi, vous traduisez par prophète. Et vous corrigez donc dans le livre. J'ai entendu le messager, ici c'est Mada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de correction à porter. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cinq avant sa mort, c'est-à-dire cinq nuits avant sa mort. Et bien sûr, ça englobe leur journée. Nous, en français, on dirait cinq jours. En arabe, on parle souvent avec la nuit. Donc j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cinq jours avant sa mort Abra'u ou inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Abra'u ila Allah ay amtani' wa atakhalla min ittikhadhi ahadikum khalila. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis innocent devant Allah d'avoir en dehors de lui un ami proche. Je suis innocent Naam Allahu alim pour la la traduction exacte. Ma ma'na al-khulla? Al-khulla naw'un min anwa' al-hubb. A'la darajat al-hubb. Al-khulla a'la darajat al-hubb. Donc al-khulla, c'est une forme d'amour. Et c'est la plus élevée. C'est le plus haut niveau d'amour. Et le meilleur niveau d'amour. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Car Allah m'a pris en tant que Khalil. Car Allah m'a pris en tant que Khalil. Ils traduisent par ami proche. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Comme il l'a fait, ou bien tout comme il a pris Ibrahim en tant que Khalil. Prophète Ibrahim alayhi salam. Yaqulu Allah azza wa jal fi kitabi al-karim wa attakhadha Allah Ibrahim khalila. Allah azza wa jal nous informe également de cela dans le Coran en disant et Allah a pris Ibrahim en tant que Khalil. ولا نعلم من عباد الله وأنبيائه ورسله من وصل إلى هذه الدرجة الرفيعة وهذه المنزلة السمية غير هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. والدليل في هذا الحديث وآيات. Et les savants ont dit, nous n'avons pas connaissance dans les textes qu'Allah Azza wa Jal a élu à ce niveau d'amour autre que ces deux créatures, que ces deux prophètes et messagers. Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa min huna ulima خطأ العوام وبعض الجهال في قولهم إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا حبيب الله بعضهم يزيد وموسى كليم الله هذا تنقص في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا خليل الله ولولا ذلك لكان إبراهيم عليه السلام أرفع في هذا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر ليس كذلك بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله أفضل الأنبياء والخلق أجمعين. Et de là on voit l'erreur d'une partie du commun des musulmans et d'ignorants qui disent, qui ont pour habitude de dire, en voulant prononcer une bonne parole, Ibrahim c'est Khalilullah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le bien-aimé d'Allah. Donc ils disent Habib pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent Khalil pour Ibrahim alayhi salam. Et on a appris ici que Khalil c'est le plus haut niveau de l'amour. Donc si cette parole avait été véridique, Ibrahim alayhi salam aura un niveau supérieur au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci n'est pas exact. Comme vous le savez tous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Habibullah, mais c'est aussi Khalilullah, et le Khullah c'est un niveau plus haut. D'accord ? فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا ممن أحب ماذا خليلا لماذا لأن قلبه عامر بمحبة الله سبحانه وتعالى حتى لا لم يتسع لغيره صلى الله عليه وسلم فليس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم خلة لأحد إلا الله عز وجل فقلبه ممتلئ بمحبة الله سبحانه وتعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit qu'il n'a pris aucun khalil du fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a élu à ce niveau-là. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc al-khullah, vous avez tous compris que c'est le niveau le plus haut de l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'a accordé cela à personne. Son cœur n'a accordé al-khullah, le niveau le plus haut de l'amour, celui qui ne laisse plus aucune place à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur est tellement rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas de place pour le niveau de la khullah dans son cœur pour un autre. On ne parle pas de l'amour seulement, mais du plus haut degré de l'amour qu'on appelle comment? Al-Khulla. Et concernant Ibrahim alayhi salam, c'est wadih qu'il a atteint ce niveau, on l'a cité dans les textes. Siratu shahidatun lihad. Ibrahim alayhi salam a préféré Allah subhanahu wa ta'ala à son père, à la religion de son père. Il l'appela l'islam. Son père s'est désavoué de lui, il l'a menacé. Il a préféré Allah à son père. Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple au tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de l'assassiner, de jeter dans le feu. Et il a quand même choisi al-tawhid, il a préféré Allah Azza wa Jal à tout son peuple. Puis, il a fait l'hijra, il a délaissé sa terre, il a préféré Allah Azza wa Jal à sa terre. Puis, il a laissé Hajar et Ismaïl qu'il a tant attendu. Il a eu un âge très avancé. Où ça? À Mecca, fi ardin ghayri dhi dhar'a. Sur une terre qui à l'époque était aride, il n'y avait rien. Ni eau, ni végétation, rien. Il les a laissés et il est parti. Subhanallah, man yaqwa ala hada. Alladhi imtala'a qalbuhu bi hadhi sifa. Min hadhi sifa, al-khulla. Qu'est-ce qui peut se soumettre à Allah Azza wa Jal au point de laisser son fils qu'il a attendu de nombreuses années et la mère de son enfant dans un endroit suite à un ordre d'Allah Azza wa Jal? Et en partant, Hajar l'appelle. Et qui peut supporter Amada cela? Et tu pars, on t'appelle, il y a ton enfant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture, pas de fruits, et tu pars. Le cœur d'Ibrahim alayhi salam n'a accepté aucune concurrence. Si le ta'bir est bon. Elle l'a appelé, lui a dit, Ya Ibrahim. Il ne s'est même pas retourné. Il s'est dirigé vers l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Elle l'a appelé à nouveau, Ya Ibrahim. Il ne s'est même pas retourné. Une troisième fois, elle lui a dit, Allah amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Il a dit, Naam. Oui. Et écoutez la réponse de la femme pieuse. Alors Allah ne nous abandonnera jamais. Hada tathbit azim min imra'a turikat fi ardin fala ma'abdin laha. Écoutez la parole d'une femme seule avec son nouveau-né sur une terre désertique. Elle lui a dit, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Subhanallah. Subhanallah. Ya laha min imra'a. Ça, c'est un nom que tu donnes à ta fille. Hajar. Au lieu de l'appeler, je ne vais pas dire d'exemple de peur de toucher quelqu'un involontairement. Al-hasil anna Ibrahim alayhi salam faddal Allah ala kulli shay. Il a préféré Allah Azza wa Jal à toute chose. Ensuite, lorsqu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'Ismaïl alayhi salam, balagha as-sa'y, a atteint l'âge où il pouvait accompagner son père, et où il fut madha profitable, yani l'enfant a un âge où c'est une épreuve, où c'est fatigant, où il ne peut s'occuper de lui-même. Et il arrive à un âge où c'est lourd aussi. Mais il y a un moment où son bien vient vers toi et où sa lourdeur s'estompe. Ben lorsqu'Ismaël a atteint cet âge-là, Ibrahim alayhi salam s'est vu en songe en train d'immoler son fils. Et Ru'a al-Anbiya haqq. Comme le prophète sallam a dit, les visions des prophètes sont véridiques. C'est une partie de la révélation. Il est donc parti trouver son fils, comme Allah a dit dans le Coran, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجنني إن شاء الله من الصابرين. أسرة ما ندري ما نقول عنها. إبراهيم عليه السلام va trouver son fils et lui dit je me vois en songe en train de t'égorger. Regarde ce que tu vois de cela. Écoutez la réponse d'un enfant, mais pas de n'importe quel enfant, et qui n'a pas été éduqué par n'importe qui. Il lui a répondu, « Oh mon cher père, fais ce qui t'a été commandé. » Vous avez vu la mère qui reste fi Mecca sans eau, sans rien, hein, et qui ne se plaint pas. Vous avez vu le père. Regardez ce que ça donne comme enfant, bi-idhnillahi azza wa jal. Un enfant qui se soumet au décret d'Allah Azza wa Jal, qui abandonne son affaire à Allah Azza wa Jal et est prêt à perdre la vie. Il dit à son père, fais ce qui t'a été commandé. Puis il raffermit son père et lui dit, tu me trouveras, Inch'Allah, au nombre des endurants. L'enfant, il dit, Inch'Allah, il sait que tawfiq min Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal a facilité Nusa Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a réussi son épreuve et ses soins. Donc il a préféré Allah Azza wa Jal à qui ? À son enfant. Et toute la vie d'Ibrahim est l'explication de cette appellation Al-Khulla. Haqqaqa al-tawhid. Allah Azza wa Jal l'a appelé comment ? Ummah. C'était une communauté à lui tout seul. À lui seul, il a réuni les qualités d'un peuple. Le propre. Concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce serait dur de dire des exemples, car toute sa vie est l'exemple de cela. Toute sa vie est l'exemple de cela. Il s'est mis contre tout son peuple. On a assassiné ses compagnons. Il n'a pas délaissé son message. On l'a viré de sa terre. Il n'a pas délaissé son message. Et il a fait la hijra, on s'est lancé à sa poursuite pour l'assassiner. Il n'a pas délaissé son message. On a fait couler son noble sang. On lui a cassé une dent, un bout de dent. Il n'a pas délaissé son message. Et lorsqu'il a dominé la Mecque et a conquéri la Mecque, il les a excusés, les a appelés au tawhid. Il ne s'est pas vengé. Ça, c'est Khalilullah. Huma Khalila Ar-Rahman. Il n'y a pas de texte, les savants disent, de ce que nous connaissons, sur le fait qu'autre que ces deux hommes-là ont atteint le degré de Al-Khulla. Amma Al-Mahabba, le fait d'être le bien-aimé d'Allah, Allah Azza wa Jalla yuhibbu Al-Muhsinin, Wa-Sabirin, Wa-Al-Muttaqin, et ainsi de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مَذَا مِنْ أُمَّةِ أَحَدًا أو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. هذه تزكية ما بعد تزكية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et si j'avais pris dans ma communauté un khalil, quelqu'un que j'aurais aimé du plus haut niveau de l'amour, j'aurais pris Abu Bakr en tant que Khalil. Ala, هذا حرف التنبيه. C'est en arabe, c'est pour attirer l'attention. Wa inna man, donc le hadith se divise en deux. La première partie c'est sur Asma al-Sifat. Sur al-Sifat. La deuxième partie c'est sur al-Uluhiyya. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. Donc il attire leur attention et dit, et certes les peuples qui vous ont précédés prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. مساجد بالصلاة عندها أو إليها أو ببناء مسجد عليها. Donc comme nous l'avons cité précédemment, prendre ce lieu de prière, c'est-à-dire prier en direction de leur tombe prier sur leur tombe ou les édifices construits, ou construire un lieu de prière et d'adoration sur cette tombe. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajida. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne prenez donc pas les tombes comme lieu de prière. Donc là, il y a une interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prendre les tombes comme lieu de prière. Malgré ça, ma'a dhalik, anna an-nahy mustafad min hadhihi al-jumla zad ماذا إني أنهاكم عن ذلك للتأكيد. Donc l'interdiction a été citée. Malgré ça, il a ajouté: je vous interdis cela. C'est comme s'il avait interdit deux fois pour appuyer l'interdiction. المعنى الإجمالي يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته إلى أمتي بحديث مهم فيخبر عن مكانتي عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما كان هذا لإبراهيم عليه السلام لذا نفى يكون له خليل غير الله لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا تسع لأحد فإلا لا ولولا ذلك لاتخذ أبا بكر خليلا وبين إذن فضل أبا بكر فضل أبي بكر ثم بعد ذلك حذر من وسائل الشرك والعلو الذي وقع في أهل الكتاب من البناء على المساجد من البناء على قبور أنبيائهم وصالحيهم حتى صيروها أماكن للعبادة فحذر أمته من ذلك. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe peu de jours avant sa mort sa communauté d'une information primordial qui a la plus grande importance. De deux informations. La première, il nous enseigne la grande place qu'il a auprès d'Allah et qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé Al-Khulla, le niveau le plus haut de l'amour. Tout comme ceci fut accordé à Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cela qu'il n'a pas accordé cela à l'un de ses compagnons. Et si cela avait été le cas, c'est Abu Bakr qui aurait eu cette place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il immensifie Allah azza wa jal énormément et qu'il le connaissait, son cœur n'a pas eu d'espace vide pour pouvoir accorder cette khulla, ce plus haut niveau d'amour, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il a mis en garde sa communauté contre l'exagération dans laquelle sont tombés les gens du livre. L'exagération concernant les personnes pieuses et les tombes. En adorant, en faisant des adorations auprès des tombeaux ou en construisant des édifices et des lieux d'adoration auprès de ces tombes. Il nous met donc en garde ici contre ces agissements. مناسبة الحديث للباب النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعباد وأنه من وسائل الشرك مع أن العبادة قد تكون أو مع أن العابد قد يكون قد جاء لعبادة الله وحده. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de prendre les tombes comme lieu d'adoration, car cela fait partie des causes pouvant entraîner la personne dans le polythéisme. Alors que la personne pourrait se rendre dans ces endroits-là pour adorer Allah Azza wa Jalla uniquement. Mais même ça, n'est pas permis. Et ça, ماذا, ce jugement-là qui est ici l'interdiction. Et nous avons vu dans le hadith précédent, ماذا, la malédiction. Dans le hadith précédent, le fait d'être les pires des créatures auprès d'Allah. مستفاد من الحديث التحذير والنهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة والبناء عليها حذرا من الوقوع في الشرك. On tire de ce hadith l'interdiction et la mise en garde contre le fait de construire sur les tombes des lieux de prière et de prendre la les tombes des prophètes comme lieu d'adoration, car tout cela fait partie des causes entraînant ou pouvant entraîner la personne dans le polythéisme. Donc celui qui meurt, s'il est enterré dans une mosquée, il y a l'obligation de le déterrer et de l'enterrer dans un autre endroit. Et si ceci a été fait comme dans le hadith, c'est-à-dire que la personne est décédée, on l'a enterrée, ça devient donc une maqbara, et qu'on construit une mosquée dessus, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On détruit la mosquée qui a été construite sur Mada, une tombe ou terre de cimetière. فائدة عظيمة إثبات المحبة صفة لله عز وجل من غير تمثيل بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة أو الأشاعرة والنفات. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est l'amour. Donc Allah aime. On voit ici qu'il a aimé Ibrahim alayhi salam et qu'il a aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans cela une réfutation négationniste comme Al-Jahmiyya qui disent qu'Allah n'aime pas et qu'il n'est pas aimé, comme Al-Mu'tazila et certains parmi Al-Asha'ir. Certains d'entre eux affirment Amada, l'amour que d'un sens. Ahlu sunnati wal jama'a yaqulun Allah yuhib wa yuhab. Allah azza wa, les gens de la sunna disent ce que nous enseigne le Coran, la sunna. Qu'Allah azza wa jalla a parmi ses attributs l'amour. Il aime certaines choses, certaines personnes, certaines actions. Et que cet amour, donc, est d'Allah azza wa jalla pour des créatures, mais aussi des créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aime et est aimé. Allah aime et est aimé. Certains parmi les innovateurs et les égarés disent que non, Allah n'aime pas et qu'il n'est pas aimé. Et subhanallah, regarde la ni'ma d'être dans la sunnah. Quel plaisir tu vas avoir dans ton adoration lorsque tu adores une divinité qui n'a pas l'attribut de l'amour, ni d'être madani qui est aimé. Donc ils disent que tu aimes la récompense, que tu aimes ces choses-là, mais Allah Azza wa Jalla en lui-même, non. Ou bien disent qu'on ne peut pas dire qu'Allah aime car c'est une faiblesse, d'accord, et Allah Azza wa Jalla est puissant et parfait, wakada wakada. Tayyib, cette parole-là elle est bâtée là. L'amour peut provenir de quelqu'un de faible et l'amour peut provenir de quelqu'un de fort. Et si cela est valable chez les créatures et que c'est une perfection, Allah Azza wa Jalla est plus à même d'avoir cette perfection, car celui qui donne la perfection est plus à même de l'avoir. Ne vois-tu pas que le gouverneur du pays, qui est à la tête du pays et qui est puissant dans ce pays, a une famille qu'il aime? Donc est-ce qu'il est faible? Non. Pourtant il a l'attribut de l'amour. Wallah al-mathalul a'la. وحسبنا لإثبات هذه الصفة أنها قد جاءت ماذا في القرآن وجاءت في السنة. Donc lorsqu'on voit un nom ou un attribut dans le Coran ou la Sunna, on l'affirme. C'est la tariqa ماذا المثلى. Ce Ceci est valable pour tous les attributs d'Allah Azza wa Jalla, pour tous les noms. Fadlul Khalilayn, on voit le mérite de Ibrahim alayhi salam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fadlu Abi Bakr as-Siddiq wa annahu afdal hadhihi al-umma. Les mérites d'Abu Bakr, le très véridique, et le fait qu'il soit le meilleur de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr est le meilleur de la communauté. Wa fil hadith ishara ila khilafati Abi Bakr. Comme a dit le mu'allif dans Al-Masail, dans le hadith on voit quoi? Qu'il y a un signe qu'Abu Bakr radiallahu anhu sera le calife. Du fait que le prophète a dit que s'il avait pris quelqu'un en tant que khalil, ça aurait été qui? Abu Bakr. Et le prophète n'accorde pas cela si ce n'est au meilleur. Donc ça prouve qu'Abu Bakr est le meilleur et que c'est le successeur. C'est lui qui sera le calife. وفي هذا رد على الرافضة. Et dans cela il y a une réfutation à la secte de الرافضة الذين قالوا إن عليا أفضل من أبي بكر. Ils disent que Ali رضي الله عنه est meilleur que tous les Sahaba, même que Abu Bakr. Alors qu'on voit ici de manière claire que le meilleur de la communauté c'est qui? Après le prophète, c'est Abu Bakr. Et toute personne musulmane, c'est cela. Toute personne musulmane, c'est cela. Hirsu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ummati fi ba'adihim 'an ash-shirk wa asbabihi. Wa hadha min kamali ra'fati wa rahmati bi ummati. On voit la grande motivation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la prodigation du conseil envers sa communauté. Et le fait de tout faire pour les éloigner du polythéisme, de ses causes, et de tout moyen pouvant faire tomber la personne dans le polythéisme. Et dans cela, il y a une autre faïda, c'est quoi? C'est que le prophète sallam avait beaucoup de pitié et de miséricorde envers les membres de sa communauté. Il les aimait beaucoup. Et il voulait énormément votre bien. Et a eu énormément de pitié envers ses compagnons parmi les contemporains et envers vous par la suite. C'est pour cela qu'il a déployé tous ses efforts pour mettre en garde contre le polythéisme sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Nastafid anna min qawa'id al-shari'a saddu al-dhara'i' al-mursila ila al-shirk wal-muharramat. Il y a une grande règle dans la législation musulmane, le fait de boucher tous les chemins pouvant conduire aux choses interdites et au polythéisme. Donc, lorsqu'une chose est interdite, les chemins y menant le deviennent. بطلان صلاة من صلى في مسجد بني على قبر. On tire à ماذا de ce hadith, la nullité de la prière accomplie dans une mosquée construite sur une tombe. انتهى الحديث ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فقد نهى عنه في آخر حياته ثم أنه لعن وهو في السياق ومن فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا Or, prier auprès d'une tombe fait partie de ces actes. Même si aucune mosquée n'y est construite. C'est d'ailleurs le sens des propos mais l'on craignit que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِ مَسْجِدًا وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدْ اتُّخِذَ مَسْجِدًا بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Ce passage fait partie des paroles de Muhammad ibn عبد الوهاب ماذا de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc, وَقَدْ نَهَا عَنْهُ عَنْ مَاذَا الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ. Donc, et il nous a interdit cela, c'est-à-dire de prendre les tombes comme lieu de prière. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prendre les tombes comme lieu de prière. Fi akhir hayati, à la fin de sa vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ses actes à la fin de sa vie. Que signifient ces actes ici? Le fait de prendre les tombes en lieu de prière. Quand vous étudiez un matn, que ce soit l'usul thalath, al-qada, arba, kitab, tawhid, autres, rakizu ala al-matn. Il faut donner beaucoup d'importance au texte et ne pas se concentrer que sur les fawaïd, qui certes font bouger le cœur et réjouissent la personne, mais tu dois en premier lieu comprendre ce que l'auteur te cite ici, de sorte à ce que tu puisses relire le livre et comprendre chaque terme. Quand tu lis, étudies un livre, d'accord, qui a autant d'importance, chaque mot, tu dois le comprendre. Puis tu comprends ce qu'a voulu te dire l'auteur ici, puis tu comprends les preuves, puis les fawaïd en rapport avec le cours. Et si tu ajoutes à cela, alhamdulillah, c'est la tariqa qu'il faut adopter, barakallahu fikum. Donc, وقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أي من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته كما في حديث من جندب ثم إنه لعن وهو في السياق أي الموت من فعله مع ذا من فعله عفوا كما في حديث عائشة والصلاة عندها من ذلك. من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها أي قول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا. Donc il a interdit ses actes. Il, c'est-à-dire le prophète sallam, vous avez directement écrit le prophète sallam, a interdit ses actes, c'est-à-dire prendre les tombes des prophètes ou prendre les tombes en lieu de prière. Na'am. Puis, le prophète sallam interdit ses actions donc à la fin de sa vie, comme nous l'avons vu dans le hadith de Jundub, peu avant de mourir. Il a mis en garde contre tout ça. Puis il les a maudits, ou il a maudit ceux qui font cela, alors qu'il était proche de la mort. Donc, 5 nuits avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette grande cause du shirk. Puis dans les affres de la mort, subhanallah, il a mis en garde encore contre le shirk. Au début de sa da'wah, il a mis en garde contre le shirk. Wa hakadha, toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alladhi ja'alana min ummati khayri amadha al-bariyya. On remercie Allah Azza wa Jal, celui qui nous a joints à la communauté du meilleur des hommes, du meilleur des prophètes. Donc alors qu'il est en train de mourir, il a mis en garde contre cela, comme dans le hadith qu'on a vu de Aïcha. Et de prier auprès auprès d'elle, c'est-à-dire des tombeaux. Et le fait de prier auprès des tombeaux entre dans cela, c'est-à-dire entre dans le sens et l'explication de prendre les tombes comme lieu de prière. Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala veut nous faire comprendre que de prendre la tombe comme lieu de prière n'a pas qu'un sens. Tu viens construire, une personne construit une mosquée à cet endroit et a fait des adorations. Non. Mais c'est bien plus détaillé que cela. Entre dans cela le fait de se diriger, de prier en direction de cette temple. Entre dans cela le fait de prier sur cette temple. Et entre dans cela le fait de construire. Mais même si la personne ne construit pas et vient dans cet endroit pour faire salat, ben on appelle cet endroit masjid. Pourquoi? Car le sens de masjid, c'est l'endroit où tu te prosternes et adores Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il dit par la suite, donc je répète, le prophète sallam a interdit ses actes à la fin de sa vie, puis lorsqu'il était en train de mourir, il a maudit celui qui l'a fait. Or, prier auprès d'une tombe fait partie de ses actes, même si aucune mosquée n'y est construite. C'est important de comprendre ça. Si quelqu'un te dit, moi je prie auprès de la tombe, mais ça n'est pas une mosquée, et il te dit, ça n'est pas un masjid, ben tu le réfuteras alors. Tu les réfuteras alors. Or, prier auprès d'une tombe fait partie de ses actes, même si aucune mosquée n'y est construite. C'est d'ailleurs le sens des propos de Aïcha radiallahu anha, mais l'on craignit que sa tombe ne soit prise en lieu de prière, comme lieu de prière. En effet, les compagnons n'avaient pas l'intention de bâtir une mosquée autour de sa tombe. Est-ce qu'on peut penser une demi-seconde que les compagnons allaient construire sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'éducation qu'ils ont reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais. Donc quel est le sens de cette mise en garde? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut penser des compagnons qu'ils allaient construire un masjid sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Non. Donc quel est le sens de cette interdiction, de cette mise en garde? Ne priez pas en direction de ma tombe. Ne priez pas sur ma tombe. Donc entre dans ittikhad al-qubur masajid, le fait d'y adorer Allah Azza wa Jal, donc auprès de la tombe, même si on ne construit pas un édifice, même si on ne construit pas un masjid, fafhamu hadha wa ahfadhuh. Donc comprenez cela et mémorisez-le. Mais tout lieu où l'on projette volontairement de prier est considéré comme lieu de prière. Toute la terre, excepté les endroits qui ont été stipulés dans des hadiths, est appelé comment? Masjid, c'est-à-dire comme lieu susceptible, comme lieu sur lequel tu peux faire salat. Sur lequel tu peux faire salat. D'ailleurs, tout lieu où la prière est effectuée est considéré comme lieu de prière, masjid. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la terre tout entière m'a été rendue lieu de prière et moyen de purification. Donc même si on ne construit pas un édifice ou une mosquée, c'est appelé masjid. Par exemple, tu travailles en tant qu'employé dans une entreprise. Tu travailles par exemple avec une dizaine d'hommes. Et il y a une salle ou lorsqu'une personne veut prier, s'y rend. Si toi tu entres dans cette entreprise et tu es en voyage et tu leur dis, vous pouvez me montrer le masjid, quel endroit est-ce qu'ils vont t'indiquer? L'endroit où ils prient. D'accord. Est-ce que c'est un masjid comme où nous nous trouvons actuellement? Non. Pourtant, c'est un masjid. C'est l'endroit où tu es susceptible d'accomplir ta prière. Sur lequel tu es susceptible d'accomplir ta prière. Ceci est appelé masjid. Le dernier hadith. الحمد لله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه et أحمد. C'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala rapporte avec une bonne chaîne de transmission d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam marfou'an ay asnadahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit que c'est marfou', c'est-à-dire que c'est des paroles de qui? Du prophète sallam. Et lorsqu'on dit que c'est mawkouf, la parole du sahabi. Tayyib. Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit inna min shirar innas, shirar jam'u shar af'alu tafdhil, inna min shirar innas man tudrikuhum as-sa'ah ay al-qiyamah bima'na alamatuha ومقدماتها كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير هذه وهم أحياء يعني تقوم الساعة عليهم صلى الله عليه وسلم والذين يتخذون القبور مساجد. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: parmi les pires des gens, il y a ceux sur qui l'heure se dressera alors qu'ils sont vivants. Et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. Al-Shahid est à la fin. Al-Shahid, ça veut dire le témoin. C'est-à-dire la part du texte pour laquelle l'auteur a cité ce texte dans ce chapitre. Est-ce que c'est compris ? Par exemple, tu vas dire, c'est interdit de prendre les tombeaux comme lieu de prière. La personne va te dire, quel est ton dalil? D'accord? Tu vas lui dire un hadith. Est-ce qu'un hadith c'est un dalil? Non. Naam. Bil jumla c'est un dalil. Donc, tu vas lui lire le hadith. Ensuite, lui va te demander, wa ayna shahid? Et où est le témoin dans ton hadith? Que veut dire ça? Quelle est la part dans le hadith qui vient témoigner de la thèse que tu as avancée? C'est-à-dire l'interdiction de prier auprès d'une tombe. Tu vas lui dire, Esh-Shahid, la part du hadith est, et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. La maza, la caractéristique donnée à ces gens-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous donne deux informations et un jugement. Quel est le jugement? Parmi les pires des gens. Donc parmi les pires des gens. An-nas yatafadalu fi ad-darajati wa ad-darakat. Il y a ceux qui seront amadha vivant au moment où l'heure sonnera. Donc vous savez tous qu'il y aura la fin du monde. Et seul Allah Azza wa Jal sait quand. Ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens qui seront vivants au moment où l'heure va retentir, ils font partie des pires des gens, des pires personnes. واضح؟ الساعه l'heure, c'est-à-dire de la fin du monde. Deuxièmement, والذين يتخذون القبور مساجد. Parmi les pires des gens, il y a une deuxième catégorie. Qui sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. Subhanallah. C'est wadih jiddan. Des textes aussi clairs que ça. Des efforts aussi nombreux que cela. De la meilleure personne, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, après tout ça, tu trouves des gens qui se dirigent vers les tombeaux et adorent Allah Azza wa Jal auprès de ces tombes en prétendant que cette terre est Mubarak parce que cette personne était un saint, wakada wakada. Ou pire encore, ils adorent directement Sahib al-Qabr. Sahib al-Qabr. Wallahi al-Azim. Des fois, ils adorent Sahib al-Qabr en pensant qu'il y a un wali et en vrai, peut-être c'est un animal qui est enterré. Wallah. Cela a maza. Yani, c'est pas une image que je vous donne, c'est réel. Des endroits où ils se rendent et adorent Sahib al-Qabr, celui qui est enterré, en pensant que c'est le Wali al-Fulani. D'accord? Comme un frère nous raconte dans son village en Tunisie, qu'il y avait un voyageur, d'accord? Et qu'un chien a été enterré. On a pensé que celui qui avait été enterré, c'était qui? Le voyageur, c'était une personne pieuse. Alors les gens ont commencé à se rendre auprès de cette tombe. Quel? Un chien? Hein? L'homme ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, quel que soit son niveau de piété. L'ange ne mérite pas d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors de cet animal? Et c'est ainsi que le mushrik est humilié au quotidien. Al-mushrik, il est humilié. Safihu al-aql wa dhalil. Il est humilié. Ahmaq. Et il est humilié. Yani, il n'est honoré ni par son aql, car il est dans la plus grande bêtise adorée autre qu'Allah Azza wa Jal, ni par sa personne, dans sa personne. Et ni te prosterner devant des tombeaux, devant des créatures, et tu laisses Allah Azza wa Jal, le créateur. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de manière claire que ce sont les pires des gens. Donc ils se rendent auprès des tombeaux. Soit ils les prennent en qibla, soit ils prient dessus, soit ils construisent dessus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a yukhbir amman taqoum alayhim as-sa'a alayhim wa hum ahya بأنهم شرار أو من شرار الناس. Donc ici le prophète sallam nous informe que l'heure va retentir et que ceux qui seront vivants à ce moment-là feront partie des pires personnes. Il ajoute à cela, c'est-à-dire aux pires personnes, ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière. Et parcourt la terre d'Allah Azza wa Jal, cette vaste étendue. Et tu verras, malheureusement, avec la plus grande tristesse en tant que mouahid, le nombre d'endroits au monde où on a construit sur les tombes. Où on a construit sur les tombes. Et où on y fait des choses que même Kuffar Quraysh ne faisait pas dans certaines de leurs situations. Par exemple, certaines personnes sont malades. Sont habités par un djinn, ou sont touchés par un sihr, ou tout ce que vous voulez comme sorte de maladie. Lorsque Kuffar Quraysh se retrouvait dans les situations les plus difficiles, vous savez tous que ce sont des associateurs, vers qui est-ce qu'ils se dirigeaient? Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Pourquoi? Parce que dans la Là, tu es dans la quatrième règle. Reviens à la première règle, donc Al-Qa'ad al-Arba'a. Trop tard, trop tard. Toi, tu n'as pas levé la main, il faut trop tard. Ça va, Balant. Akramak Allah. Car ils avaient Tawhid al-Rububiyya bil Jumla. Ils savaient qu'Allah Azza wa Jalla était l'unique à pouvoir secourir la personne, à pouvoir créer, donner la vie, la reprendre et ainsi de suite. Donc cette i'tiqad revenait à quel moment ? Dans la difficulté. Maintenant, prenez les contemporains parmi les mouchrikoun. Dans la difficulté, ils font quoi ? Hein ? Et ils se disent, ils augmentent, déjà c'est des mouchrikoun, mais ils augmentent leur shirk alors que Kufar Quraysh délaissait un shirk. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils invoquaient Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère, par exemple en mer, et ainsi de suite. Allah musta'an, Allah musta'an. Et de dire au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous allez voir les tombeaux? Invoquer Allah, il est mieux que celui qui est dans la tombe. Ils te disent, toi t'aimes pas les gens pieux, toi tu connais pas. Hein? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, que j'ignore ce que vous faites, bima'ana, je m'en détourne. Comment est-ce que vous voulez que je connaisse ça et que j'oublie mon Créateur? Comment vous voulez que je vous suive pour aller adorer celui qui est en terre et que je laisse celui qui est au-dessus des cieux? Subhanallah, Al-Ali, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al. Allah al-Musta'an. Tu laisses Allah Azza wa Jal. Tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, le propriétaire de toutes choses, le gérant de toutes choses. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle. Le vivant qui ne meurt jamais. Celui qui s'occupe de toutes tes affaires. Celui qui t'a accordé ta subsistance alors que tu n'avais pas la capacité de la prendre dans le ventre de ta mère. Celui qui lui a donné du lait sans qu'elle ne dépense. Et qui t'a fait parvenir avant cela de son sang ta subsistance. Tabarakallah, ahsanu khaliqin. Celui qui t'a donné al-hidayah pour pouvoir téter et prendre ce lait. Puis qui t'a fait pousser des dents pour pouvoir mâcher et prendre ce dont tu avais besoin à cet âge-là. Wa hakadha jour après jour. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour il prend. Et Mada, il s'occupe de ses serviteurs. Il leur donne leur subsistance, leur donne la vie, les soigne. Lorsque tu es malade, c'est lui qui te soigne. C'est lui qui t'a guidé à l'islam. Et après tout ça, ils n'ont pas trouvé d'autre reconnaissance à apporter à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que de délaisser Allah tabaraka wa ta'ala dans la difficulté. Ou bien dans l'aisance, et de se diriger vers un mort. Ali hadha khuliqna ya ibadallah. La wallah. Khuliqna li ta'atillah. Khuliqna li ma'rifatillah. Khuliqna li ibadatillah wahdahu la sharika lah. Hadha huwa at-tawhid. Wa hadha alladhi nadrusu al-an. Wa hadha alladhi natalazzadhu bih. Ça c'est at-tawhid. D'adorer Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère, dans l'aisance, dans la difficulté, de savoir pourquoi tu as été créé, d'obéir Allah Azza wa Jalla, de te détourner de tout autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est le tawhid, et voici ce que nous sommes en train d'étudier à ce moment même, et c'est le plus grand délice, c'est le plus grand bonheur que tu peux acquérir dans ce bas monde. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de te sentir proche de lui, et que ton cœur bouge de par son invocation. Washawq est le fait que tu sois impatient de le rencontrer yom al qiyam et que cela soit ta préoccupation majeure. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli at-tawhid al-thabitin ala dinihi tabaraka wa ta'ala al-muttabi'in li athari rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب donc l'auteur a cité ce chapitre sous pardon a cité ce hadith sous ce chapitre للتحذير من اتخاذ لما في من التحذير من اتخاذ القبور مساجد وأن من فعل ذلك هو من شرار الناس ذلك بأن هذا الفعل لأن هذا الفعل من وسائل الشرك. Le prophète sallam dans ce hadith nous met en garde contre le fait de prendre les tombes en lieu de prière et nous informe que ces gens font partie des pires personnes. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Car c'est une cause qui peut faire tomber les gens dans le contraire de ce pourquoi nous avons été créés. D'accord? C'est une cause qui entraîne les gens dans le shirk. Wal'iyadu billah. إذا كان الذي عبد الله عند قبر من شر الناس فما ظنكم بمن عبد صاحب القبر. Si le simple fait d'adorer Allah Azza wa Jal auprès de la tombe fait de la personne une des pires personnes, que dire alors de celui qui adore autre qu'Allah? Que dire alors de celui qui adore le mort? Wallahu musta'an. Pourquoi ce jugement sévère est juste? Car c'est une cause pour entraîner les gens dans le shirk. Donc c'est quoi le résumé de tout ce chapitre? Celui qui prend la tombe comme lieu de prière, direction de prière, construit une mosquée dessus, Sharrun Nas, fait partie des pires des gens. Mal'oun, il est maudit. Non. Ce qu'on tire du dernier hadith, التحذير من الصلاة عند قبر لأن ذلك من وسائل الشرك. La mise en garde contre le fait de prier auprès des tombes, car ceci fait partie des causes entraînant les gens dans le shirk. Celui qui fait cela fait partie des pires personnes. وإن تقصد الخير, même si il a une bonne intention en pensant que dans cette terre l'adoration d'Allah Azza wa Jalla est meilleure et qu'elle sera acceptée et ainsi de suite. Même s'il a une bonne intention, sera du nombre des pires personnes. As-sa'atu taqoum 'ala shirari al-khalq. L'heure retentira. C'est comme ça qu'on dit? Je vous demande, de par la faiblesse de mon français et de mon état aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jalla nous renforce dans son adoration. Donc l'heure ne retentira pas si ce n'est sur les pires des gens. On tire de ce hadith que les gens n'ont pas le même niveau. Car on nous dit min shirar innas. Donc parmi les pires des gens. On comprend qu'il y a des gens qui sont mauvais, d'autres qui sont pires. Et ils sont tous mauvais. De l'autre côté, il y a des gens qui sont bien et d'autres qui sont meilleurs. Ils sont tous bien. Wahakata. Hum darajatun indallah. التحذير من الشرك ووسائله. Donc la mise en garde contre le shirk et ses causes, même si la personne a une bonne intention. Quelqu'un pourrait dire, Al-Shir a utilisé un hadith sur la salat. Pourtant, nous a dans le titre, l'intitulé du chapitre, il a parlé de quoi? Naam. Al-ibad, d'adoration. Donc quelqu'un pourrait dire il a utilisé des preuves khassa sur la salat pour toutes les adorations comme sadaqat, qiratul quran et ainsi de suite. Non, il n'a pas utilisé un dalil khass pour parler ensuite dans quelque chose de am. Mais c'est quoi la illa de l'interdiction? Pourquoi c'est interdit de faire ça? Parce que c'est une wasila qui fait tomber dans le shirk, parce qu'il y a du ta'zim. Car on a immensifié le saint, le mort, cette terre, ainsi de suite, ça fait tomber dans quoi? Dans le shirk. D'accord. Celui qui vient et fait des sadaqat dans cet endroit en pensant que c'est mieux, Est-ce qu'il a immensifié lui aussi? Il n'a pas lui aussi immensifié cet endroit? Le saint, le mort et ainsi de suite? Pareil. Celui qui vient, il lit le Coran. Donc, al-illa jami'a. Donc, la sagesse, c'est la même. Donc, c'est un qiyas sahih. C'est clair? Taïb. Car ce qui importe, c'est la mise en garde contre les causes faisant tomber les gens dans le shirk. L'auteur nous dit dans les Masail, ذكروا في خطبتي قبل موتي بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. الشيخ رحمه الله تعالى dans la 11e question dans les Masail. Vous ne les avez pas vous dans le livre, il faut prendre un livre en arabe. Il y a un ajout. طيب. Donc la 11e mas'ala, donc la chose qu'on tire de ce hadith, c'est que l'auteur nous dit que le prophète sallam a dit durant son prêche, 5 jours avant de mourir, donc dans son prêche, dans ses paroles, ce qu'il a dit, c'est la mise en garde contre l'adoration des tombes et ainsi de suite, il y a dans cela une réfutation à deux sectes qui sont les pires sectes des gens de l'innovation. Voilà. Les pires sectes des gens de l'innovation. Il s'agit de qui? Il parle de qui ici? Naam. Al-Rafida et ceux qui étudient Asma Sifat ne se trompent pas. Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, Al-Rafida. Hein, sont pires que Sharrul Bariya qui ont été cités dans le Coran. D'accord? Et regardez ici, comme a dit Ibn Uthaymeen, la sagesse du shirk dans la mise en garde. Est-ce qu'il a dit le nom de ces deux groupes ou pas? Pourquoi? C'est quoi la sagesse? Toi, t'entends ça. Les pires sectes parmi l'ensemble des gens d'innovation, qu'est-ce que ça fait en toi? Tu t'interroges, mais qui sont-ils? Afin, yani, d'attirer ton attention et que tu sois vraiment attentif et que tu étudies et comprennes la gravité de leur chemin pour pouvoir en être préservé par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que des savants où beaucoup de savants les ont fait sortir des 72 groupes. D'accord? Certains savants ont dit, le plus juste aurait été de dire les 73 groupes. D'accord? Allah a'lam, pourquoi est-ce que l'auteur a dit 72 groupes? Je n'ai pas compris. Il faudrait poser la question à un shir, est-ce qu'il y a une explication à cela? J'ai entendu d'autres parmi les gens de science dire que ce qui aurait été plus juste est de dire 73 comme c'est venu dans le hadith. Car les 73 groupes cités dans le hadith, vous voyez de quel hadith on parle? Le hadith, on le surnomme hadith ou l'iftiraq, dans lequel le prophète sallam nous dit iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nas ala 72 wa 70 firqa wa staftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kullaha fi an-nar la wahida qila man hiya qala al-jama'a. Le prophète sallam nous dit les juifs sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous dans le feu excepté un groupe. C'est les gens de l'union. Dans une autre version, où il y a une faiblesse, ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. Mais le sens est véridique. Ces 73 groupes, le prophète sallam a dit qu'ils sont dans le feu. Ça fait partie des hadiths qu'on appelle de l'wa'id, de la menace. Est-ce que ça veut dire que forcément ils vont entrer dans le feu? On les menace du feu. Par exemple, celui qui boit de l'alcool va en enfer. Celui qui vole, celui qui. Lorsqu'on a des textes qui nous madaw, il y a une menace, mais dont l'action est en dessous du shirk. Hein? Quelle est la aqidah des gens de la sunna? Tahta mashi'atillah. Comme dans le verset qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc tous les péchés en dessous du shirk sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, s'il veut, il les pardonne, ou il leur pardonne. S'il veut, il les châtie. Et leur finalité sera au paradis. C'est wadih, ça c'est l'aqidah de l'Ahlus Sunnah. Donc, lorsqu'on dit la communauté se divise en deux. Il y a la communauté, c'est-à-dire les gens auxquels ont été envoyés le prophète, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, sans exception. Toute religion confondue. Et il y a ce qu'on appelle, donc ça c'est la communauté auquel il a été envoyé, les gens en général. Et il y a Ummatu al-Ijaba, la communauté. Dans le sens, sa communauté, dans le sens, ceux qui ont répondu à son appel. C'est qui? Les musulmans. Wadih? Donc ça c'est Ummatul Ijab. Ben, beaucoup de savants ont dit que Rafid al-Jahmiya n'entre pas dans Ummatul Ijab. Ils n'entrent pas dans Ummatul Ijab. C'est-à-dire qu'ils ne font pas, ils ne font même pas partie des 72 sectes. Ils ne font même pas partie des 72 sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des shirkiyat. Des kufriyat. Taïr. Je voulais vous développer un peu qui sont le Jahmiya et le Rafida, mais de peur d'être trop long sur vous, je ne vais pas développer cela, juste vous rajouter quelques points. Il y a une grande réfutation aux personnes qui disent avec le plus grand manque de pudeur et de crainte d'Allah Azza wa Jal cette énormité qui va suivre. Il n'y a pas de nécessité à mettre en garde contre l'adoration des tombes car on est dans un endroit où ceci n'est pas connu. Vous avez compris cette choubha ou pas? Par exemple, là on parle de quoi? Mise en garde contre les tombes, l'adoration des tombes et ainsi de suite, ou l'adoration d'Allah Azza auprès des tombes. Ben certaines personnes qui s'apparentent à la da'wah, mais la da'wah d'Ahlus Sunnah n'a rien à voir avec eux, et innocente de ces gens-là, qui disent qu'il n'y a pas lieu de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas touché par ça, soi-disant. Taïb. Anta Mohamed Amin. C'est de quel pays? Tunis. Ça existe ce qu'on a cité ou pas? Anwar Anta Min Aïn. Algérie, ça existe ce qu'on a cité? Taïb. Ant. Tu viens d'où? Du Mali. Ça existe? Toi, tu viens d'où? La France, toi. Ça, en France, ça existe. Hadith wa la haraj. طيب انت من اين ça existe au Maroc. D'accord, tu es algérien, tu es. Et ils disent avec tout ça faut pas parler des tombes parce qu'on n'est pas concerné. طيب, quand lui rentre dans son pays il est pas concerné, quand lui parle à sa famille il est pas concerné. S'il fait pas da'wah à sa famille, il fait da'wah à qui? هذا الكلام يعني يخرج من خبيث. هذا الكلام يخرج ممن لم يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد إضلال الخلق وسدهم عن منهج النبوة في طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. Ces paroles ne sortent que de personnes qui sont soit ignorantes, soit veulent éloigner les serviteurs d'Allah عز وجل de la vérité avec laquelle nous est venu le prophète صلى الله عليه وسلم. Quelqu'un qui dit ça, la yuzlas ilay. On n'étudie pas de lui. On n'étudie pas de lui. Il ne voit pas la nécessité de mettre en garde contre l'adoration des cimetières, contre la mise en garde d'Allah Azza wa Jalla après les tombes. Taïb, as-sahaba, Allah Azza wa Jalla les a agréés. C'est vrai ou pas? C'est dans le Coran. Le prophète le savait? Naam. Taïb. Il les met en garde, eux, contre l'adoration des tombes. Ils vont adorer les tombes? Non. Taïb. Ils sont concernés directement? Non. S'il a fait ça avec un sahaba, qu'est-ce qu'on va dire de nous? On est meilleur que le sahaba, non? Et toi, tu es un meilleur conseiller que le prophète? Ni l'un, ni l'autre. Donc ton qawl, il est batil. هذا الكلام خطير جدا. La naissance du shirk est née suite à quoi? لما نسي العلم. Quand on a arrêté de parler de ça. Le shirk est venu. Et dans certains endroits, le shirk a disparu, puis il est revenu. Pourquoi? Parce que des gens comme ça sont venus. Ya akhi, tu vas apprendre aux gens tahara, wassala, al-fiqh, wal-mu'amalat, wa-husn, al-khuluq, et ainsi de suite. S'il vient ensuite et adore autre qu'Allah Azza wa Jal, est-ce que toutes ces actions lui seront profitables ou pas? Une adoration donnée à autre qu'Allah Azza wa Jal, et tout ça sera anéanti. Et s'il meurt sur cela, il n'y aura pas d'autre finalité, destination pour lui, si ce n'est quoi? Le feu de l'enfer. Ça, c'est un conseiller, ça? Allah Musta'an. Ici, on voit la da'wa du shaykh, rahimahullah ta'ala. Il unit entre da'wa ila tawhid wa da'wa ila sunnah. At-tahdhir min ash-shirk wa at-tahdhir min al-bid'ah. Donc ceux qui disent il ne faut pas parler des sectes, il ne faut pas parler d'innovation, il ne faut, et ainsi de suite. Où sont-ils de cette da'wa mubarak? Si moi je sais et toi tu sais le mal et que nous nous taisons, comment est-ce que les autres vont le savoir? Ces gens-là, pour acheter une voiture, ils posent 1000 questions, ils demandent à tout le monde. Et ils vont avec un professionnel pour acheter une voiture à 1000 euros, à 2000 euros, à 5000 euros. Sahih halala. Ces gens-là, pour acheter des pommes de terre, des tomates, ils demandent d'où est-ce qu'elles viennent et est-ce qu'elles sont bio et est-ce... Sahih halala. Et pour ton dîn, on ne pose pas de questions. Pour ton dîn, on ne demande pas. Kadhab. Elf marra. Celui qui éduque les gens sur ça, c'est un menteur. Et si tu le répètes 1000 fois, tu ne leur as pas donné son droit. Tu auras été injuste envers lui, tu ne leur as pas donné la mesure qu'il méritait. Kadhabun alf marra. Alladhi yushawish ala talabah. Celui qui distrait les gens de cette da'wah et qui laisse les gens tomber dans les innovations et qui laisse les gens tomber dans le shirk et prétend après tout ça être un prêcheur. Peut-être que tu es un prêcheur, mais tu n'es pas un prêcheur de la vérité. وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّهِ رَاجِعُونَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ سَارَ عَلَى نَهْجِ النُّبُوَّةِ Allah Azza wa Jal couvre de sa miséricorde l'auteur, car vraiment, il a suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche. ابن عثيمين رحمه الله تعالى استن فائدة جميلة جدا استن بل ماذا information très subtile qu'on tire du hadith. Le Prophète sallam a dit, si j'avais pris ça c'est pour le hadith si j'avais pris un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr. D'accord. Ibn Athim رحمه الله تعالى a dit أن الفضيلة في الإيمان والعمل الصالح فوق الفضيلة بالنسب. Ibn Athimin dit ce qu'a dit le prophète sallam ici nous montre, donc dans la préférence d'Abu Bakr, nous montre que la supériorité acquérie ou acquise par la foi et les actions pieuses est supérieure à ce qu'on peut obtenir de par ton lien, comment dire ça? Ta lignée. D'accord? Ta lignée. C'est-à-dire que tu fais partie d'une famille noble. D'accord? Tu fais partie d'une famille noble. Et tu as le nom de famille d'un tel. Par exemple, tu fais partie de la tribu de Quraysh. Et c'est la tribu la plus noble des Arabes et la plus noble des gens. Dont fait partie le prophète Arsène. Ici, Ibn Athaymin nous dit qu'Abu Bakr ne fait pas partie de l'Ahlul Bayt. Pourtant, le prophète Arsène l'a préféré à qui? Si on avait fait devancer la lignée, il aurait cité qui? Hamza. Qui encore? El Abbas. Ali ibn Abi Talib. On est d'accord. Pourtant, il a préféré qui? Abu Bakr. Donc, la suprématie que tu obtiens avec la foi, les actions pieuses, est plus grande que ce que tu peux obtenir avec quoi? Avec ton nom de famille. Et on est dans une, dans un endroit où il y a beaucoup d'Africains. Lui, toi, t'es un Malien? Voyez. Juste des exemples sur les Maliens. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de racisme. Mada, il y a les nobles. D'accord? C'est quoi ton... Ça, c'est un Malien. Il m'a dit son nom de famille directement. Je voulais pas savoir ton nom de famille. Keïta. Toi, t'es un Keïta. D'accord. Lui, c'est Soumaré. Toi, t'es un Jakité. Tayeb, t'es quoi, toi? Sissé, et toi? J'ai pas entendu. Tayeb. Donc, il y en a qu'on appelle les nobles. Et il y a d'autres castes. D'accord? Ben, certains vont voir que c'est impensable, limite interdit, que un tel demande la fille de un tel. Naam, c'est vrai ou pas? Toi, t'es quoi, toi? Silla. Donc, il ne peut pas se présenter au pas de la porte de ce père-là. Pourquoi? Parce que ce père-là, c'est un soninke, c'est un noble, wakada wakada, et l'autre, il n'a pas ce rang-là. Donc, il ne demande pas sa fille. C'est impensable. Quand je vous dis c'est impensable, je pèse mes mots. Dans certes, dans beaucoup de familles. Vous voyez? Maintenant, on va regarder au temps du prophète Arsène. Le prophète Arsène a marié un esclave affranchi, hein, à une femme des plus nobles des Arabes. Est-ce que c'est pensable cette chose-là? Quand on entend ce qu'on voit aujourd'hui? D'accord, mais pourquoi cette femme-là avec cet homme-là? C'est qui ces gens-là? Taqwa, amal salih, iman, wahakam. Au point où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu demander une fille en mariage, mais pas pour lui. Il a frappé à la porte, il a informé de sa venue, alors les parents se sont réjouis comme vous pouvez l'imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande notre fille, il a dit non, c'est pas pour moi, c'est pour un tel. Ils ont dit un tel, ils sont étonnés. Une personne qui n'avait pas de rang dans la société. Donc, ils ont eu une grande réticence. La fille, elle a demandé à être informée de ce qui se passait. Et ils lui ont dit, le prophète sallam a demandé, t'as demandé en mariage pour un tel. Elle a dit, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Ils ont dit, mais c'est un tel, ou quoi, ainsi de suite. J'ai oublié l'ordre du hadith. La femme a dit, le prophète sallam a dit, et vous dites... En gros, c'est pas discutable. Si le prophète sallam demande, on ne peut que répondre à la demande du prophète sallam. Alors qu'elle, c'était une femme, avait un certain rang, et ainsi de suite. Ah, kadakal. Mais aujourd'hui, ajoute à ça que certains, même parmi les frères pieux, al-shaytan trouve un madkhal et lui fait délaisser la femme pieuse. Pourquoi? Parce que elle lui plaît plus, tel autre lui plaît plus, même si c'est une fasiqa. Subhanallah. Ma kanu hakala. Il n'était pas ainsi. Ou pour lui c'est, inenvisageable. Oui, j'ai besoin d'orthophonisme. Quand je parle en français, en arabe, le sin, le shin, le s devient difficile. Wallah wa billahi nasta'in. Mada iftah alayh. Inenvisageable. Tayyib. Ensuite, j'allais dire quoi? parce qu'ils ne sont pas dans la même classe sociale. Maintenant, regarde les sahaba. Comment est-ce qu'ils sont comportés? Certaines personnes trouvent donc inenvisageable, par exemple, le fait de se marier avec une femme divorcée. D'accord? Le fait qu'elle a connu le mariage. Donc pour lui, si cette femme est divorcée, elle n'entre plus dans les critères de sélection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Taïeb. Je vous pose une question. Est-ce qu'une femme arrive à l'ongle de Khadija parmi toutes les femmes qui marchent sur la terre d'Allah Azza wa Jal? Oui ou non? La wa Rabbi al-Ka'ba. La wa Rabbi al-Ka'ba. Est-ce qu'une femme arrive même de loin à Umm Salama? Oui ou non? Jouairiya, Zainab et bien d'autres. Wallahi, une de ces femmes vivantes au jour d'aujourd'hui serait meilleure que les du'ats, que les gens de science et que les personnes pieuses. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pu se marier avec n'importe quelle femme chez Quraysh? Ou non? Il était jeune, d'une apparence des plus parfaites, la lignée la plus parfaite et les aïeux les plus célèbres. Malgré ça, et aussi il était jeune, il avait quel âge? 25 ans. Qu'est-ce qu'il a retenu? Khadija. Qui avait quel âge? 40 ans. Subhanallah. 40 ans. 40 ans et il avait 25 ans. Et elle était divorcée. Sahih? Est-ce qu'il a dit j'ai 25 ans, je peux me marier avec une telle ou une telle ou toutes ces... Là, il n'était pas ainsi. Mais il cherchait l'excellence. Ça nous prouve que l'excellence peut être trouvée même si la femme est divorcée. Oui ou non? Au point où Aïcha, la seule femme vierge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était grandement jalouse de qui? Ah, de Khadija. Pourtant, c'est la femme la plus jeune. La seule femme qui n'a pas été mariée avant. Wahakada, wahakada. Pourtant, elle disait qu'elle n'a pas trouvé de difficulté comme elle a trouvé pour Khadija. Tu ne cesses de citer cette femme, alors qu'Allah t'a remplacé par meilleur qu'elle. Le prophète sallam s'est mis en colère et a dit, jamais Allah m'a remplacé par mieux que Khadija. D'elle, j'ai eu tous mes enfants. Ne vas-tu pas cesser de m'importuner au sujet de Khadija? Elle était jalouse d'elle alors qu'elle était enterrée, qu'elle était décédée. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a ce niveau de piété, a cette place dans le cœur de la personne pieuse. Hakadha barakallahu fikum. Ceci sort du sujet. Wa shayu bi shayu dhka. Wa sallillahumma barika ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بحمد الله عز وجل قد رجع من سفره ودعوته إلى الله عز وجل أخونا وصاحبنا وحبيبنا صادق وفقه الله. Donc notre frère Sadiq est de retour, donc on lui laisse sa place qu'il mérite, son créneau. Maada, demain après Salat al-Asr, il reprend ses cours. Donc je vous encourage vivement à assister à ses cours qui sont d'excellents cours. Le frère fait beaucoup d'efforts, jazakallahu khayran, dans la da'wa. Assister aux cours qui sont très profitables. Il fait également un cours le samedi soir dans sa mosquée à Duni. Il y a de la place pour les hommes et pour les femmes.